M'a dit que j'étais pas vraiment cool. Moi je lui ai répondu qu'elle était old school. Et aussi qu'elle fouettait ce verre de la moule. Oh comme Zizou, elle m'a foutu un coup de boule. Je ne sais plus pourquoi on s'est pris la tête. C'était peut-être à cause des paquets d'empêtes. Ou quand j'ai juste couché avec ses copines à la fête. Ou à cause du pot périmé de rillettes. Elle avait laissé dans le frigo. Moi j'ai mangé, oh, mangé tout le pot. J'ai eu chaud, eu mal à l'estomac. Ah, c'est pas si bon que ça. Pas si bon que ça. On a commencé par se faire des doigts. Puis on s'est cherché comme chien et chat. Ça s'est terminé par un mortal combat. Oh, c'est si bon comme ça. C'est si bon comme ça. Je lui ai dit qu'elle était autoritaire. Comment tu vas faire ta pas d'oseille. Et comme Tyson, elle m'a arraché l'oreille. Je ne sais plus pourquoi on s'est frité. C'est peut-être parce que sa mère, je l'ai cognée. Ou alors parce que j'ai pas relevé le courrier. Ce morceau de salade sur les dents, je lui ai pas signalé. Elle l'a gardé tout le soir. Elle l'a remarqué dans le miroir. Elle a crié en voyant ça. Ah, c'est pas si bon que ça. Pas si bon que ça. On a commencé par se faire des doigts. Puis on s'est cherché comme chien et chat. Terminé par un mortal combat. Ah, c'est si bon comme ça. C'est si bon comme ça. On s'est embrouillé pendant des heures. Cassant les fenêtres et même les radiateurs. On s'est couru après dans tout l'immeuble. J'étais armé, j'avais pris quelques meubles. On s'en foutait de savoir pourquoi on se battait. Si c'était pour rien ou pour les gros dossiers. C'est vrai, j'ai oublié quand c'est qu'on s'est rencontrés. Mais elle a oublié de me faire à manger. Je suis resté toute la soirée. Le ventre en train de gargouiller. Des pâtes Nutella. Ah, c'est pas si bon que ça. Pas si bon que ça. On a commencé par se faire des doigts. Puis on s'est cherché comme chien et chat. Ça s'est terminé par un mortal combat. Trop de la balle comme ça. Trop de la balle comme ça. Trop de la balle comme ça.